Chapitre 9e. Auto contre voiture à bras. Jamais la divette Lucette Minois, qui rendait tout Paris amoureux de sa fraîcheur, de sa grâce, de son merveilleux sourire, ne se montra autant que ce soir rieuse, capiteuse, charmeuse. Elle tenait le rôle de la commère dans la revue dont le théâtre musical Lutetia donnait ce soir la première. C'était le soir où, chez Maître Béjanet, se déroulaient les dramatiques événements que l'on sait. La pièce, à Paris, y en a. Des maîtres revuistes Lougeot et Alvet pétillaient d'esprit. Des couplets, un peu poivrés peut-être, soulignaient les scènes amusantes et délicieuses que les spectateurs applaudissaient à tout rompre. Lucette Minois entraînait le bataillon de jolies filles et conduisait la revue, enlevant les bravos, les rappels. Une loge d'avant-scène, plus que tout autre, semblait enthousiaste. Le comte de la Guérinière l'occupait avec quelques amis de cercle, le comte de Marnay, le baron Dupont, le baron Vancambre et le financier Guttelard. Il les avait amenés faire le succès de Lucette Minois, sa maîtresse, sa dernière conquête. Après le spectacle, le comte de la Guérinière, pour célébrer ce triomphe, convia les auteurs, quelques amis et les plus jolis interprètes de « À Paris, y en a » et les emmena souper dans un des plus coquets établissements de Paris des Nuits Folâtres, où il avait retenu le plus grand salon. Dans un cabinet particulier voisin, Mme Muguette, une des plus jolies figurantes, soupait en tête-à-tête avec un riche négociant de province dont elle avait fait tout récemment la conquête, M. Sandron. Elle n'osait déjà le plaquer, mais elle s'ennuyait toute seule en entendant ses camarades rire à côté. Elle le fit savoir à Lucette, qui eut l'idée de la faire inviter ainsi que son nouvel ami. Le comte de Marnay se chargea des négociations. Entre fêtards, on s'entend vite. Les hôtes du cabinet particulier firent bientôt dans le grand salon une entrée fortement acclamée. Le comte de la Guérinière félicita le négociant de province de son parisianisme. Il se présenta ses compagnons, les jeunes femmes. Il offrit à M. Sandron une place entre Lucette et Mad, près de lui et du baron Dupont, et la fête reprit de plus belle. M. Sandron se révéla un gai et charmant convive. Il s'amusa énormément. Le comte fut étourdissant de gaieté, d'entrain, d'esprit boulevardier. « Nous vous retenons comme collaborateurs pour la prochaine revue, » lui dirent les auteurs Lougeot et Alvet, qui cependant jetaient l'esprit en prodigue. « Vous n'y coupez pas au futur couplet. » Le jour faisait pâlir les lampes électriques que l'on riait encore autour du comte de la Guérinière. Il s'était, à la vérité, produit depuis longtemps quelque vide parmi les convives. Mais il restait encore assez de gais compagnons, de jolies femmes, pour que la fête continuât. « Mes chers amis, » dit le comte de la Guérinière, « voici l'aurore. Nous devons, en gens vertueux, aller la voir se lever. » Des automobiles attendaient à la porte. Bientôt on s'embarqua, s'aidant mutuellement, les garçons soutenant, transportant quelques convives dont les jambes faisaient grève. Dans l'automobile du comte de la Guérinière s'empilèrent Lucette Minois, Mad Muguette, une autre camarade, puis le comte de Marnay et M. Sandron, le négociant de province qui semblait comme les autres fortement étoilé. Les autos filèrent. Par fantaisie, le comte de la Guérinière prit la place de son chauffeur. Il monta devant avec le baron Dupont qui voulait respirer le grand air du matin. Il s'empara du volant et passa en tête du cortège joyeux. Tout allait bien. Les autos remontaient allègrement les Champs-Élysées, à cette heure à peu près désert. Mais voici qu'à la hauteur de la place de l'Étoile, le comte accrocha, on ne sut comment, la voiture à bras d'une vieille marchande de légumes. La brave femme remontait des halles. Sous le choc, sa voiture fut renversée. Elle-même, la pauvre femme, fut projetée à terre, beaucoup plus probablement par la peur qu'elle ressentit que par le heurt de l'automobile. Mais le comte de la Guérinière aussitôt arrêta son moteur et sauta prestement sur la chaussée. Il courut relever la marchande, qui affolée se débattait sur le sol parmi ses légumes, s'imaginant sans doute être broyée, écrasée, coupée en morceaux par l'infernale voiture. Les convives du comte également sautèrent des autos. Ils accoururent et entourèrent la bonne femme qui, à présent, ne se sentant ni morte ni blessée, poussait des cris épouvantables. Il fut assez malaisé de la calmer. Tout le monde s'y employa. La brave femme voulait d'autant moins écouter ce qu'on lui disait que maintenant revenue de sa frayeur, elle se rendait parfaitement compte de la situation. Voyant à qui il avait affaire, elle espérait tirer un beau profit de l'aventure. Par le plus grand des hasards, deux braves agents, qui n'avaient rien à faire ailleurs sans doute, se trouvèrent tout près du lieu de l'accident. Ils accoururent sur le champ et immédiatement tirèrent leur calepin pour verbaliser. Très complaisamment, le comte de la Guérinière se prêta aux formalités d'usage, déclina ses noms, prénoms et qualités, et donna son adresse. « Je ne tiens nullement, déclara-t-il, à me dérober aux conséquences de ma maladresse. Verbalisez, messieurs les agents, faites votre devoir, remplissez votre consigne. J'entends absolument dédommager cette brave femme. » Puis il ajouta, « Mais nous sommes un peu pressés, mes amis et moi. Veuillez nous laisser partir. »« Et mes légumes ? » cria la marchande. « Et ma vente de ce matin ? Comment je vais faire ? Je vis au jour le jour, moi. Je ne peux pas attendre que le juge ait fixé une indemnité. » Le comte intervint. « Vous avez raison, ma brave femme, » dit-il. Et tirant de son portefeuille un billet de 100 francs, il le tendit à la marchande, lui disant « Tenez, voici, en attendant. » Monsieur Cendron, le négociant de province, au nom de son ami Madmuguette, ajouta 5 louis au billet bleu. Alors la marchande se confondit en remerciements. La journée était bonne pour elle. Par amusement, les amis du comte ramassèrent les bottes de poireaux qu'on attacha comme des gerbes de fleurs aux lanternes des autos. On mit les carottes en trophée sur les carters des moteurs. À chaque femme, on offrit un chou comme bouquet. « Les fêtes des fleurs » s'écria-t-on en riant. Et ainsi parés, les autos reprirent leur course, sous l'œil bienveillant des bons agents, tandis que la marchande de légumes heureuse s'écriait « Ça, au moins, c'est des braves gens tout de même !»